Désormais je rappe pendant des heures, man. J'ai choisi les armes sans rentrer dans les ordres. À rester dans les zones d'ombre de dessous. À rester dans les sangs, m'en rachonger les ongles sans aller vers les autres. Pendant que ça fait une déchute aux hormones. Suis dans un autre monde où tout est hors norme. Où l'ensemble a suscité le fric avant que les autres tombent. Attendre que le pôle nord fonde, à créer les modes en code mort. Ça forçait les choses comme un corps sans mode bombe. C'est la manière forte de l'air, force à la mer morte. Tous ceux dans la mer qui ont les nerfs comme à la mer monte. Scalade de la même, sort du même rêve, de la même mode. Tous au pied du mur quand le ciel se déchaîne et que la terre gronde. Vas-y get man du tiers monde à la terre mère. C'est la guerre à se branler, la quéquette elle est sa manquette. Plat, carte de la pêche, j'apprécie pas les mauvais sketchs. Comme cette vidéo amateur qui se prend pour sa case dans la skate park. Tant Harry Tech, ça c'est un mic en guise flemme. Tant Rick qui trop le cul comme celui d'une actrice X. Marine trace, triste, brise la glace, mix la grâce. Wick, pisse la bac, ma tarbise, j'pisse le récit. Ma face big brille mais pas si grise. Ma sap craque si big, Bixby. Ma vie pas si belle comme celle Big Gosby. Fait des deals cosmiques comme ce type green. Puis j'ai pas de film ni prime. Team free, Dieu mais rien de clean. S'mon flip, on se trompe vite, on se plombe vite. On s'en fiche la peine qu'on affiche. Et culture divise. Check ça, shoot again illicite. 06 ODT. Yo Trill, Dave, écoute ça.